Banana qui est avec lui. Ouais. Je lui plais. Tu lui plais, hein? À quoi t'y vois? J'y vois. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais l'œil. Non, mais t'es sérieux? Sérieux? Je te pose la question. Merde, c'est le boss qui se l'a fait, attention. J'emmerde le boss, compris? Merde le boss, je lui baisse sa chérie. Ce gars, c'est un caf. Regarde sa figure. La bouteille et la concha, ça domine tout chez lui. Ne fous pas la merde avec tes dingueries. Et n'oublie pas que l'an dernier, à cette époque, on se faisait chier. En cage où tu sais, ok? Toi, tu oublies pas. J'ai oublié déjà. Je dis, apprends à faire avec ce que tu as. Toi, tu peux apprendre. Moi, je vais posséder ce qui me revient. Ah, et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans.